Cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mada akhadna fi darsina al-akhir? Tafadhal. Akhadna fi darsi sabiq kayfiyat al-iman billah wa bi asma'ihi wa sifatihi wa akhbar nu'ayn wa wal ithbat wa nafi. Faqad jama'a Allah subhanahu wa ta'ala فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فما هي طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات عندما تفضل أهل السنة يفسرون في الإثبات أما في النفي والإجمال التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي هذا هو الأصل c'est ça la base. Et la plupart des textes, c'est comme cela. At-tafsil wal ithbat, les détails, Allah subhanahu wa ta'ala, il a al-ilm, il a al-qudra, il a al-quwa, il a des mains, il a un visage, il a akhirah. Et al-nafi, al-ijmal. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Wa hadha taqaddam ma'ana kathiran. Thumma dhakara صورة الإخلاص رحمه الله لماذا ذكرها هنا pourquoi il a cité صورة الإخلاص à ce moment dans son متن رحمة الله عليه تفضل في صورة الإخلاص مثال على قوله وقد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات أحسنت أين الإثبات الإثبات هو كل هو الله أحد نعم الله الصمد والنفي قوله لم يلد ولم يولد أحسنت قال رحمه الله أو قبل ذلك من يقرأ المتن ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده اي لا يكرهه ولا يفقههما وهو العلي العظيم ولهذا كان من قرا هذه الايه ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يضره شيطان حتى يصبح احسنت اما entre crochets les titres c'est pas من كلام شيخ الاسلام فكنت تدي قال شيخ الاسلام Tu récites directement Al-Matn wa illa va entre crochets, c'est pas min kalam, Sheikh al-Islam. Hada, c'est celui qui a haqqaq al-Matn. En général, al-Muhaqqiqoun, ils mettent des titres pour faciliter faqat wa illa. Fa kalam Sheikh al-Islam, c'est sans titre. Il a cité tous les versets, ou les sourates, les deux premières, la première sourate, thumma ayat al-Kursi, thumma les versets, l'un après l'autre. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ودخل في ذلك أي كما تقدم pour سورة الإخلاص ودخل في هذا وقد دخل في هذه الجملة أي ما وصف الله به نفسه بين النفي والإثبات أو قوله au début du matn ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه إلى آخره C'est valable pour les deux. قال ودخل في ذلك ما وصف به نفسه في أعظم آية من القرآن حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أما la fin que tu as dans ton matn, Hula, il l'a pas cité. C'est qu'il y a le matn, le petit matn. افتح la page. هو واحد qui a le matn déjà. نعم قوله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة نعم وفلتوسي هنا ولهذا من قرأ هذه الآية في الحقيقة ils n'ont pas mis en rouge alors que حتى يصبح ça c'est من كلام شيخ الإسلام ثم قوله وذلك لاشتمالها ça c'est من كلام الشيخ السعدي رحمه الله dans cette nusra ils mettent le matin en rouge et هنا après le verset Ayat al-Kursi, tu as l'impression que c'est min kalam Sheikh Sa'di wa li hadha. Alors que ça, c'est min kalam Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Enfin, le matn, ça va jusqu'à la fin du hadith. Hatta yusbih. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah wa li hadha man qara'a hadhihi al-aya fi laylatin lam yazal alayhi min Allahi hafidhun wa lam yaqrubhu shaytanun hatta yusbih. هذا من فضائل هذه الآية العظيمة في أعظم آية من القرآن. Ce verset, c'est أعظم آية dans le Coran. كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وسيأتي معنا à la fin du شرح. أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال قلت والله لا إله إلا هو إلى آخر. فالـ verset qui a le plus de ou le si on peut dire le meilleur verset أفضل آية في القرآن وأعظم آية c'est آية الكرسي. Ça ça nous montre que le Coran يتفاضل. Il y a des sourates, elles ont plus de valeur que d'autres. Il y a des versets, ils ont plus d'importance que d'autres. مع أن كله كلام الله لكن لا شك أنه يتفاضل وهنا دليل هنا أعظم آية قوله ولهذا من قرأ هذه الآية إلى آخره هذا حديث صحيح والمحقق إلى الستة في الحاشية أنه الإمام البخاري إلى الستة معلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه معلقا أي سن إسناد الإمام البخاري dans الصحيح إلى الستة سن إسناد On appelle ça al-hadith al-mu'allaq. Et sans chaîne de transmission, directement à Abu Huraira radiyallahu anhu qal. Il n'y a pas la chaîne de transmission de l'imam al-Bukhari jusqu'à Abu Huraira. Qal wa wassalahu al-nasa'i fi amali liyoum ila akhir. Bissanadin sahih. Et tu trouveras ce hadith fi sunan al-nasa'i dans d'autres kutub avec al-isnad. Wa ala kulli hal, al-hadith il est ma'ruf, il est sahih. من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ. Ça, ça nous montre l'importance de réciter آيات الكرسي avant de dormir. Celui qui la récite, فلم يزل عليه من الله حافظ. Il est préservé. Allah سبحانه وتعالى il le préserve. ولا يقربه الشيطان. Et le شيطان il ne l'approche pas durant cette nuit. لماذا؟ لأنه il a récité هذه الآية العظيمة. Ce verset. Et bien, la haqiqa, c'est très rapide. Ayat al-Kursi, tu la récites en quelques secondes. Lakin, man tadabbara vi ma'ani hadhihi al-aya, il comprendra plus la valeur de ce verset. Et pourquoi ce verset, c'est un sabab azim pour se protéger, pour se préserver de shaytan. Qala, wa dhalika lishtimaliha. على أجل المعارف وأوسع الصفات. أي dans ce verset, il y a des noms d'Allah سبحانه وتعالى et des attributs. قال فأخبر أنه المتوحد في الألوهية المستحق لإخلاص العبودية. قوله الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. أي الله سكيسه الذي لا إله إلا هو فهنا dans le début du verset, tu as l'explication de l'offre de Jalal à Allah. C'est qui Allah? C'est celui qui mérite al-uluhiyya, ay al-ubudiyya, l'adoration. Subhana. قال فأخبر أنه المتوحد في الألوهية المستحق للإخلاص أو لإخلاص العبودية. Et ça c'est la base de notre dîn. Et c'est l'explication du premier pilier de l'islam. الشهادة. لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فشاك مسلم il doit adorer Allah سبحانه وتعالى seul. Et c'est ça معنى الشهادة. Et c'est ça معنى لفظ الجلالة الله. Le nom d'Allah سبحانه وتعالى ça veut dire quoi? Allah ça veut dire المستحق. Celui qui mérite العبادة. والمتوحد في الألوهية. Personne ne mérite d'être adoré sauf الله سبحانه. قال وأنه الحي كامل الحياة وذلك يقتضي كمال عزته وقدرته وسعة علمه وشمول حكمته وعموم رحمته. تقدم معنا أن هذا الاسم الحي في الحقيقة il englobe جميع الصفات الذاتية وسيأتي معنا إن شاء الله أن القيوم وتقدم معنا في الحقيقة dans l'explication des noms d'Allah عز وجل أن القيوم il englobe tous les attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala أي الصفات الفعلية. فالسيد دو نو الحي et القيوم ils englobent tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala أي vu que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le حي il a صفته الحياة أي la vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est le vivant. Et sa vie, elle est parfaite. وَأَنَّهُ الْحَيْ كَامِلُ الْحَيَاتِ Et sa vie, il n'y a aucun manquement, aucune faiblesse. Subhana. Sa vie, elle est parfaite. وَذَلِكَ يَقْتَضِي Et ça implique, هذا, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant, et sa vie, elle est parfaite. كَمَالْ عِزَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَسَعَتَ عِلْمِهِ أَنَّهُ Il est capable de tout. Il sait tout. إلى القوة المطلقة إلى العزة الشاملة لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض il est capable de tout سبحانه لماذا لأنه c'est le vivant et sa vie elle est parfaite. Vous avez remarqué هنا أن le fait que Allah سبحانه وتعالى c'est le vivant il a l'attribut de la vie ça implique bien sûr s'il est vivant qu'il a d'autres attributs parmi ces attributs العزة والقدرة والعلم والحكمة etc. قال والشمول حكمته وعموم رحمته وغيرها من صفات الكمال الذاتية وأنه القيوم. Donc on a fini la première partie, le premier nom, الحي, le vivant. وأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بالموجودات كلها فخلقها وأحكمها ورزقها ودبرها وأمدها بكل ما تحتاج إليه. كذلك هذا on l'a expliqué en détail dans notre série de cours sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. أن القيوم c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe صفة القيومية. الله سبحانه وتعالى c'est القيوم لماذا؟ لأنه هو الذي قام بنفسه. Il a besoin de personne. الله سبحانه وتعالى c'est الملك c'est القيوم. C'est Samad. C'est les autres qui ont besoin de lui. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de personne. Qama bi nafsi. Thumma qal, wa staghna an jami' al-makhluqat. Limadha li'annahu c'est al-ghani. Et on avait fait le lien entre ism al-ghani et al-qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-ghani, il a besoin de personne. Et al-ibad, c'est al-fuqara. C'est eux qui ont besoin, vu qu'ils ne possèdent rien, fal-haqiqa, l'être humain, c'est lui qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقام بالموجودات كلها قام بالموجودات أي qui c'est qui donne le risque à l'être humain qui c'est qui facilite à l'être humain de respirer de manger de boire de se déplacer إلى آخره c'est Allah سبحانه وتعالى. Donc c'est القيوم القائم بنفسه القائم على غيره أي les autres ils ont forcément besoin d'Allah سبحانه وتعالى. قال فخلقها أي فخلق الموجودات أي tout ce qui existe c'est Allah سبحانه وتعالى qui l'a créé وأحكمها أحكمها أي الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé cette chose, c'est lui qui l'a صور, c'est lui qui lui a donné, c'est lui qui l'a élevé ورزقها ودبرها وأمدها ورزقها أي c'est Allah qui donne ودبرها c'est Allah qui gère وأمدها c'est Allah سبحانه وتعالى qui donne ça ressemble à قوله ورزقها بكل ما تحتاج إليه ça nous montre qu'on doit revenir à Allah سبحانه وتعالى si tu as besoin de quelque chose avant de penser aux causes avant de chercher une solution la première chose que tu dois faire la première solution et la première cause c'est de demander à Allah سبحانه وتعالى لماذا لأنه سي القدير سي القيوم سي الغني سي الكريم demande lui حاجتك ثم tu fais des causes s'il y a des causes à faire celui qui est malade il fait les causes pour se soigner celui qui a faim il fait les causes pour chercher à manger celui qui a besoin d'argent il travaille et ces causes bien sûr il faut qu'elles soient mashrou'a il ne faut pas que ce soit des choses interdites sauf en cas de daroura sauf quand l'insan il n'a pas le choix et quand tu fais les causes تتوكل على الحي القيوم. Tu sais que anta c'est une simple cause. Si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, il te donnera même sans cause. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, il ne te donnera pas même si tu fais la cause. قال وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات الفعلية. أي اسم القيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية. Il englobe tous les attributs parfaits. أي les attributs صفات الفعلية. C'est qui nous rappelle c'est quoi As-sifat al-fi'liyya C'est qui nous rappelle Mais on a tout à l'heure. Il y a un autre ta'bir. أحسنت هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله أي إذا شاء الله فعلها وإذا لم يشاء لم يفعلها أي c'est des attributs que si Allah سبحانه وتعالى il veut il les fait s'il veut il ne fait pas مثلا le fait de se mettre en colère le fait d'agréer le fait de faire miséricorde tout ça c'est من صفات الأفعال Allah سبحانه وتعالى s'il veut Il donne à un tel s'il veut, il ne donne pas. Ça revient à Ism al-Qayyum. Ou à Sifat al-Dhatiya, qui est ce qui nous rappelle al-Dhabit, à Indak. Fini la phrase, ce n'est pas fini. Lam yazal wa la yazal, mada. À Indaman, faddal. نعم لم يزل ولا يزال متصفا بها عز وجل c'est pas comme الصفات الفعلية si Allah il veut faire cette action il l'a fait s'il veut ne la fait pas اما الصفات الذات Allah سبحانه وتعالى il les a toujours il les aura toujours لا تنفك عنه سبحانه مثلا الله il a des mains il a toujours eu des mains il aura toujours des mains il n'y a pas un moment il n'a pas de mains معاذ الله وهكذا l'attribut du visage, hakada la tribu de al-ulu, hakada la tribu du ilm. Donc, هذه الصفات الذاتية, ça revient à اسم الحي. قال ولهذا ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. C'est pour ça que بعض العلماء قالوا أن الحي القيوم c'est الاسم الأعظم. هذه المسألة تقدمت معنا. Dans l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal. والذي يظهر أن الاسم الأعظم c'est لفظ الجلالة, c'est Allah. لكن بعض العلماء ils ont dit c'est الحي القيوم. Et بعض العلماء comme هو قول الشيخ سعدي رحمه الله ils disent que الاسم الأعظم c'est pas qu'un nom. Allah c'est الاسم الأعظم, الحي القيوم c'est الاسم الأعظم. هذا c'est un autre قول que الشيخ سعدي il a choisi رحمه الله عليه. قال وإذا سئل به أعطى لدلالة الحي على الصفات الذاتية والقيوم على الصفات الفعلية والصفات كلها ترجع إليهما قال ومن كمال قيوميته وحياته أنه لا تأخذه سنة وهي النعاس ولا نوم. Ça c'est min kamal qayyumiyatihi wa hayatihi. Sa vie elle est parfaite. Donc il ne dort pas et il n'a pas besoin de dormir azza wa jal. Et كذلك qayyumiyatihi ou qayyumiyatuh azza wa jal. Cette sifa elle est parfaite. Lian Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne. Donc il n'a pas besoin de dormir. Azza wa jal. Fala ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Qala huna sinatun wa hiya an-nu'as. Wa an-nawm c'est ma'rouf, an-nawm c'est le fait de dormir. Fallah subhanahu wa ta'ala, il ne dort pas, et كذلك ma ya'ti qabla an-nawm. En arabe il l'appelle as-sina ou an-nu'as. Wa afada sahib at-tanbihat as-saniya anna السنة سي النعاس سي النوم الخفيف le fait de somnoler avant de dormir. L'être humain احيانا tellement qu'il est fatigué il ferme les yeux, ربما il est debout ou là il est assis et il commence à s'endormir. C'est un نوم خفيف مجرد حركة او كلمة او صوت et peut-être qu'il sursaute, il se réveille, il ne dort pas encore. Ça arrive quand l'insan il est au volant, ou quand l'insan il lit un livre, ou quand l'insan il fixe une chose du regard, il est fatigué, ou quand il écoute un dars, Obama, ses yeux commencent à se fermer. Hada c'est as-sina, c'est an-nu'as, et c'est muqaddimatu an-nawm, c'est l'étape avant de dormir, et c'est un nawm khafif. Qala was-sina fil 'ayn wan-nawm fil qalb. Ça c'est pour différencier entre as-sina et an-nawm. As-sina c'est l'œil. C'est pour ça que ahyanan tu commences à fermer les yeux lakin ton qalb il est encore et tu dors pas, tu entends encore le kalam. Peut-être que tu entends celui qui te parle il a qali lakin tes yeux commencent à se fermer. Hada c'est sina. Amma an-nawm c'est le qalb. Et tu dors complètement, tu entends plus il a akhri. Hada c'est les différences ou certaines différences entre as-sina et an-nawm. Ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala il ne dort pas. Et il n'a pas le nom. Et هكذا السنة اي مقدمات النوم. قال ثم ذكر عموم ملكه للعالم العلوي والسفلي ومن تمام ملكه ان الشفاعه كلها لله فلا يشفع عنده احد الا باذنه ففيها ذكر الشفاعه التي يجب اثباتها وهي التي تقع باذنه لمن ارتضى. هذا تقدم معنا في دروس التوحيد dans القواعد الأربع et كذلك dans شرح كتاب التوحيد on avait détaillé ما يتعلق بالشفاعة وهكذا dans كشف الشبهات. فعلى كل حال لا أحد يشفع إلا إذا أذن له الله عز وجل. أما بدون إذن فلا شفاعة. خاصة من تمام ملك الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن personne ne peut faire une chose sauf si Allah سبحانه وتعالى il veut. Contrairement au makhlouq. Un makhlouq, il peut refuser une chose. Et en tu passes par quelqu'un, mimbab shafa'a, pour intercéder, même s'il n'est pas d'accord. Il ne sera même pas au courant. Donc, cet intermédiaire, il va vers cette personne et il lui parle, il le raisonne et il l'intercède pour toi dans une chose. Il m'a pour acquérir une chose, il m'a pour repousser un mal. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, fala tanfa' al-shafa'a 'inda illa bi'idnih. لماذا لأنه sait tout, il connaît tout. Il n'a pas besoin, عزّ وجل, que quelqu'un il intercède, أبدا. فلهذا, ceux qui adorent autre qu'Allah سبحانه وتعالى en prétextant que c'est من باب الشفاعة, هذا c'est من الشرك. لأن الله عزّ وجل il n'a pas besoin de, il n'a pas besoin de هذا الشيء. Il n'a pas besoin que un autre il intercède pour toi في العبادة. لا, العبادة tu dois adorer Allah سبحانه وتعالى seul et directement et sincèrement. قال ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها وهي التي تقع بإذنه لمن ارتضى. فتقدم معنى الإذن c'est la permission. قوله لمن ارتضى أي للموحد ولا يرضى لعباده الكفر. أما شفاعة المشرك فلا تنفع. شفاعته لا تنفع lui-même il profitera pas de الشفاعة. فالشفاعة c'est que pour الموحدين المسلمين. C'est que pour ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils l'ont unifié dans l'adoration. Amma, ceux qui ont associé Allah subhanahu wa ta'ala, un shirk al-akbar, et qui sont morts ala hada, fala shafa'a, yawm al-qiyama. Ils profiteront rien de al-shafa'a. قال والشفاعه المنفيه التي يعتقدها المشركون ما كانت تطلب من غير الله وبغير اذنه فمن كمال عظمه الله انه لا يشفع عنده احد الا باذنه وتقدم معنا dans certains dourous الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه quand il fera عليه الصلاه والسلام الشفاعه الكبرى pour tout le monde في ارض المحشر. Il se prosternera et il demandera à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera l'autorisation. Yarfa ra'sak, wa sal tu'ta, wa shfa' tu shaffa'. Falabud min idn. Qal wa la ya'dhan illa fi man radiya qawlahu wa amalah. Wa bayyana anna al-mushrikin la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Wa hada kulluhu taqaddam. Tout ça, on l'a vu dans les durus de tawhid. ثم ذكر سعة علمه فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قال أي علمه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة الله سبحانه وتعالى الست يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم est-ce qu'il les attend est-ce qu'il s'est passé Allah سبحانه وتعالى il connaît tout يعلم ما بين أيديهم est-ce qu'il va arriver aux êtres humains Allah سبحانه وتعالى il le sait. وما خلفهم ce qui est passé. Ça nous montre al-ihata al-zamaniya. Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout ce qui s'est passé avant dans le passé et ce qui se passera dans le futur. قال فلا يخفى عليه منها شيء واما الخلق فلا يحيطون بشيء من علم الله الا قليل. نعم او نعيد. قال فلا يحيطون بشيء من علم الله لا قليل ولا كثير الا بما شاء أن يعلمهم الله على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. أما العباد فلا يعلمون من هذا العلم إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. مثلا الله سبحانه وتعالى il nous a informé de certaines choses qui se sont passées. مثلا l'histoire de Nuh عليه الصلاة والسلام, l'histoire de Moussa عليه الصلاة والسلام et autres. كذلك des choses في المستقبل. الله سبحانه وتعالى il nous a informé عن عن ذي القرنين عن يأجوج ومأجوج et d'autres histoires qui se passeront avant la fin des temps. عن نزول عيسى عن عيسى يردسندرا. Tout ça على طريق أو بطريق رسوله عليه الصلاة والسلام par l'intermédiaire de son messager عليه الصلاة والسلام et il lui a révélé هذه الأخبار. إلا فالإنسان لا يعلم إلا القليل. L'être humain il connaît que très très peu de choses. أما الله سبحانه وتعالى فسل عليم سل خبير إكونتو سبحانه. قال وسع كرسيه قيل إنه العرش وقيل إنه غيره وأنه كرسي ملكه من عظمه وسعته أنه وسع السماوات والأرض. قوله وسع كرسيه فبعضهم قال أن المراد سي العرش et هذا سي با صحيح. أنا on a plusieurs adillah أن il y a une différence claire entre le kursi et العرش. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على العرش فما استوى على الكرسي. الله سبحانه وتعالى il s'est élevé au-dessus de son trône. كذلك on a des adillah أن العرش سي أعلى المخلوقات c'est la créature la plus haute et Allah سبحانه وتعالى il est au-dessus du عرش. فالعرش سبي منزلة السقف c'est comme un plafond par rapport à toutes les créatures. ثم الله سبحانه وتعالى il s'est levé au-dessus de son trône. أما الكرسي فلا. وقد جاء في بعض الآثار ولها حكم الرفع كما تقدم معنا في كتاب التوحيد أن entre الكرسي والعرش أو الماء فمسافة une longue distance. Donc الكرسي c'est pas العرش. وبعضهم et c'est une explication encore plus lointaine du haq ils l'ont expliqué بالعلم وسع كرسيه السماوات والارض وهذا كذلك c'est un خطا علم الله سبحانه وتعالى ما وسع السماوات والارض فقط بل علم الله سبحانه وتعالى الله سيتو. Donc expliquer al-kursi par l'ilm أو par l'arche, c'est un khata. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الحاشية أن الكرسي موضع القدمين لا يقدر أحد قدره. قال رواه عنه محمد بن عثمان ابن أبي شيبة في العرش وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي وابن خزيمة في كتاب التوحيد بسند حسن. هذا لثابت وبعضهم نقل الإجماع على ذلك. certains ont apporté الإجماع على هذا. إجماع السلف إجماع الصحابة رضي الله عنهم. أولا هذا الأثر إلى صحيح ابن عباس إلى إكسبيك الكرسي أنه موضع القدمين. المهم موضع القدمين. القدمين سي لي بي. إي الله سبحانه وتعالى إلى ست صفة صفة القدمين. الله سبحانه وتعالى إلى دي بي وليس كمثله شيء. هذا أولا. ثانيا شو أثر إلى صحيح؟ Et كما تقدم معنا في الأصول من علم الأصول أن الصحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين un compagnon si il dit une chose il informe une chose du domaine de l'invisible فالخبر له حكم الرفع. لماذا؟ لأن الصحابي لا شك أنهم سأفضل الناس بعد الأنبياء et c'est tous des عدول tous des personnes de confiance ولا يطعن فيهم إلا مجرم منحرف. لا شك أن si il rapporte une chose du domaine de l'invisible c'est qu'ils l'ont pris du prophète عليه الصلاة والسلام. هذا لا شك فيه. C'est pour ça que هذا الأثر له حكم الرفع. ابن عباس رضي الله عنه إما il a entendu le prophète عليه الصلاة والسلام expliquer le kursi بهذا المعنى إما il l'a pris d'un autre compagnon. Et ce compagnon, il l'a pris du prophète, alayhi salatu wasalam. لِمَاذَا لِأَنَّ مَنْ أَخْبَرَ إِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَ أَنَّ الْكُرْسِي سِي مَوْضِعَ الْقَدَمِينَ. C'est pas une chose que tu peux trouver en réfléchissant. بِلِجْتِهَاد أو رَأْيٌ كما بعض المسائل الفقهية. نعم, باب الاجتهاد il est معروف. الفقيه il peut se prononcer avec شيء من الاجتهاد إلى آخره. أما أمور الغيب فلا. C'est pour ça que هذا له حكم الرفع. Donc القول الصحيح أن الكرسي c'est موضع القدمين. ومن هنا tu t'aperçois de l'erreur de certains traducteurs كما تقدم معنا أنهم يتخدوزوا آية الكرسي par le verset du trône. هذا فيه نظر. C'est pas le verset du trône, c'est le verset du كرسي. أما le trône c'est autre chose, c'est une autre créature qui est أعظم, qui est beaucoup plus grande que le كرسي. قال ومع ذلك فلا يؤوده أي لا يثقله ولا يكربه حفظهما أي حفظ العالم العلوي والسفلي وذلك لكمال قدرته وقوته. نعم الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. لا شيء يسبب له فاتيغ أو أخرى. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن اللغوب عن التعب عن النوم عن النعاس. الله سبحانه وتعالى il est parfait et fait ce qu'il veut. قال وفيها بيان لعظيم نعمة الله على الخلق إذ خلق لهم السماوات والأرض وما فيهما وحفظهما وأمسكهما عن الزوال والتزلزل وجعلهما على نظام بديع جامع للأحكام والمنافع المتعددة التي لا تحصى. Et ça c'est une ni'ma min ni'amillah azza wa jal. Annahu khalaqa hadhihi as-samawat wa hadhihi al-aradin ma baynahuma. Et l'être humain profite de beaucoup de choses et il vit fi amn wa aman dans beaucoup de situations. Annahu il est en sécurité, annahu il trouve sa subsistance très très simplement. En fait tout ça c'est min ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Qal wa huwa al-ali الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. وهذا كذلك تقدم معنا dans l'explication des noms d'Allah عز وجل. الحقيقة les trois premiers livres qu'on a fait la semaine ou le dors précédent on s'est conseillé mutuellement sur l'importance de la révision et des livres qu'on a fait auparavant et on avait insisté sur les deux premiers livres qu'on avait fait l'Iqtisad fi l'I'tiqad et Al-Qawaid al-Mutla. Et كذلك l'explication des noms d'Allah. Cette explication, si on la maîtrise et on la révise, là, chacun, au début, on a étudié beaucoup de noms ensemble, et Et tu ne peux pas tout retenir. Khassatan, la première fois que tu étudies. Lakin, ma'a at-takrar, à force de répéter, à force de réviser, à force de relire, ça va te servir, jiddan. En dehors, depuis le début du livre, on a lu ensemble l'explication de Ism Allah, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Ali, Al-Azim, Al-Hay, Al-Qayyum. Tous ces noms, on les explique ensemble. Et Cheikh Saadi, à chaque fois, rahmatullah alayhi, c'est une explication, on a très très brève. Allez, là, on essaye de réviser qalilan, qalilan les livres précédents. Et le haqiqa, min al-munasib, c'est d'emmener ces livres à chaque fois. Il y en a, on en a besoin. Hatta si on doit revenir et faire le lien, on revient. Enfin, essayez pour la prochaine fois d'emmener al-iqtisad fil i'tiqad et al-qa'id al-mutla et l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal, ma'akum, à chaque fois. Hatta si on a besoin de revenir à une mas'ala, alhamdulillah, au moins on a les livres. Qala, wa huwa al-ali alladhi lahu al-ulu al-mutlaq min jami' al-wujuh. تقدم معنا أن العلي سينو parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala il englobe صفه العلو والعلو il est على انواع il y a plusieurs catégories il les a cités هنا قال علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى اي الله سبحانه وتعالى c'est العلي له صفه العلو اي il est au-dessus de ses créatures علو الذات اي lui-même سبحانه il est au-dessus الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أو في الحديث أين الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها كيستيون الجارية أين الله قالت في السماء أي أودسو ديسيو هذا سعلو الذات سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل dans cette رسالة شيخ الإسلام إلا ستان شابتر في كونسيرنا العلو أي علو الذات قال وعلو القدر إذا كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أو إذ وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها علو القدر والصفة هكذا العلماء يقول علو القدر والصفة أي أن الله سبحانه وتعالى لا يزطخي ببخفر ما الدليل على هذا؟ C'est qui peut citer un dalil à la hada? Voilà, bas, lakin, on veut. Awdah. Ahsan, qawluhu ta'ala, wa lillahi al-mathalu al-a'la. Ay, l'wasf al-a'la. Vous avez remarqué qu'il y a l'afd al-ulu al-a'la. Ay, Allah subhanahu wa ta'ala, il a les attributs parfaits. C'est ça, ulu al-qadr wa al-sifa. Ay, tous ces attributs, ils n'ont pas d'imperfection, pas de manquement, pas de défaut, abadan. Ça, c'est la deuxième catégorie. قال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. بعض العلماء cite une troisième catégorie. Ma hi? C'est qui peut nous la rappeler? Hein? تفضل. علو القهر. فما هو؟ يعني لا شيء ولا أحد خرج من حكم الله وما ما الدليل؟ من يذكر الدليل على علو القهر؟ وهو القاهر فوق عباده. القاهر فوق العباد. الشيخ سعدنا كلام جميل في تفسيره عند الآية من سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده. On peut le citer en résumé هنا قال رحمه الله فلا يتصرف منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن الا بمشيئته. C'est pour ça que le verset qu'il a cité l'akh il est pas faux bien sûr. وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. Ça montre que هذا الانسان il est مقهور. Il fait pas ce qu'il veut. فلهذا قال فلا يتصرف منهم متصرف. Personne ne peut se déplacer, personne ne peut faire une chose que si Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé. Ça ne veut pas dire que l'insan il n'a pas le choix. Abadan. Il a le choix. Lakin, ma'a hada, tout est décrété. Allah il a tout écrit. Qala, wa laysa lil mamlouk aw laysa lil mulouk wa ghayrihim al khuruj an mulkihi wa sultanihi bal hum mudabbaroun maqhurun. Personne ne peut sortir, personne ne peut s'échapper du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wahad, il veut sortir min mulkillah, min sultanillah, azza wa jal, abadan. Allah, il a tout créé. L'insan, mahma fa'al, il est tahta qahrillah subhanahu. C'est pour ça que Allah qu'al, wa huwa al-qahir fawqa ibadah. Personne ne sort en hada. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Quand il dit qu'il dit les kuffars, ils n'obéissent pas à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné certaines choses et il n'applique pas. Le jawab, أن الإرادة على نوعين كونية وشرعية وهذا سيأتي إن شاء الله لكن on peut résumer هنا أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui les laisse faire هذا et c'est eux qui ont choisi de s'égarer et les حكمات الله سبحانه وتعالى أنهم ils auront des comptes à rendre. Enfin, celui qui fait du bien, c'est lui qui a fait du bien, il sera récompensé. Celui qui a fait du mal, c'est lui-même qui a fait du mal et il risque le châtiment. وإلا فالكر الكل البر والفاجر المؤمن والكافر. C'est tous des ibad, l'Illah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les gère. C'est lui qui a tout décrété, laquelle est hikmat, il les laisse faire, il les laisse choisir, fitounia, celui qui veut obéir. Wa man sha'a minkum fal yu'min wa man sha'a fal yakfur. Et yawm al-qiyamah, chacun aura des comptes à rendre. Et hada, inshallah, sayati ma'ana fi bab al-qadr. Et on a déjà vu hadihi al-mas'ala. Qala. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورا كان هو المستحق للعبادة. هذه المعاني العظيمة qu'on a vu, أنواع العلو. الله سبحانه وتعالى il est au-dessus, il a les attributs parfaits. Et كذلك c'est lui qui gère tout. Tous ses ibadis sont تحت قدرته وسلطانه إلى آخره. Tout ça, ça implique ماذا؟ أن السعبد doit adorer الله سبحانه وتعالى seul. Le lien دائما entre les trois توحيد. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أن الله سيلو كخاتر أنه إلي بخفي دان سنو إزاتريبو سا إمبليك ماذا لفت دو لادوغي سي سا نوتخ الدين نوتخ الدين إلي فوندي سور ست عقيدة ست كرويانس إي سور العمل لفت دو متخون أبليكاسيون أي أدوغي الله سبحانه وتعالى السل. ثم قال رحمه الله ونغوفيان أكلام الشيخ سعدي العظيم الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء وله العظمة والتعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه الذي لا أعظم منه ولا أجل ولا أكبر. وهذا الاسم كذلك تقدم معنا اسم العظيم. الله سبحانه وتعالى هو العظيم فله صفة العظمة. العظمة سمونت سعة الشيء أن الشيء الواسع الكبير فالله سبحانه وتعالى il est عظيم في علمه. Il connaît tout, il sait tout سبحانه وتعالى. Il est عظيم في قدرته. Il est عظيم في سماعه وبصره. Ça c'est كذلك un nom qui englobe beaucoup de صفات. بل toutes les صفات. الله سبحانه وتعالى il est عظيم في صفاته عز وجل. Et كذلك يستحق التعظيم الكامل. Vu que c'est العظيم فنحن كذلك on doit le عظم, on doit le vénérer, on doit le glorifier, on doit l'adorer, on doit faire beaucoup de dhikr, on doit demander pardon. لماذا؟ لأنه c'est العظيم سبحانه. قال لا أعظم منه ولا أجل ولا أكبر. في درس شرح أسماء الله الحسنى, à chaque fois qu'on étudie les noms, on avait cité des ثمرات طيبة, des فوائد عظيمة من كلام أهل العلم. هذا التعظيم سي با باللسان فقط. هذا التعظيم الله سبحانه وتعالى سي العظيم سي الأكبر. في الحقيقة سي on a vraiment cette croyance dans notre cœur, on n'a pas le droit de faire passer autre chose qui contredit دين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى nous a ordonné une chose, ثم on délaisse cette chose, on contredit cette chose, لماذا؟ pour obéir ou poursuivre un tel. هذا سي نقص في هذا الباب. Si on a vraiment cette croyance أن الله سي العظيم سي الأكبر, فدينه et le fait de suivre رسوله صلى الله عليه وسلم, ça doit passer avant toute chose. قال فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني الجليلة. Vous avez vu, on a vu ensemble une brève explication de هذه الآية العظيمة qui renferme beaucoup de noms d'Allah سبحانه وتعالى. Et là, chacun a celui qui a compris ce verset et qui donne du temps pour comprendre et qui revient à Kalam Ahl al-Ilm, il comprendra plus pourquoi c'est A'zam ayah. Pourquoi c'est A'zam ayah fi kitab Allah Azza wa Jalla. Qala فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آية القرآن. في الحاشية إلى ستة الدليل المحقق قال كما صح عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر. أبو المنذر سأبي بن كعب من علماء الصحابة رضي الله عنهم سكن ياسد أبو المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم il lui a posé la question est-ce que tu connais أعظم آية؟ Le verset le plus important في القرآن أفضل آية. Et dans une رواية قال أبي الله ورسوله أعلم. Et ça c'est من الأدب من التواضع أنه il connaissait la réponse. La preuve c'est qu'il va citer à la fin. لكن من الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم quand il leur posait une question il disait الله ورسوله أعلم. Il précisait ورسوله لماذا لأنه il était vivant عليه الصلاة والسلام. أما après sa mort on dit الله أعلم. كذلك فيه أن من أساليب التعليم c'est السؤال. Et pour enseigner une chose une des méthodes bénéfiques c'est de poser la question. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه il savait. لكن هذا من باب التعليم أو التشجيع pour encourager أو pour propager un khayr أنه on le propage sous forme de question. فدان l'autre رواية فكرر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم il a répété il a reposé la question à أبي ثم قال أبي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Pourquoi أبي رضي الله عنه il a répondu لماذا لأنه il connaissait le Coran. C'était من حفاظ الصحابة رضي الله عنهم. Il connaissait parfaitement le Coran et il connaissait les sens. Et il a su et il savait أن ce verset c'était أعظم آية avec tous les sens que ce verset y renferme. فضرب في صدري أي النبي صلى الله عليه وسلم il a tapé dans le torse de أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر أي كالله تراجد علم يا أبا المنذر. فهذه الآية من آية عظيمة. شيخ الإسلام إلا ستي هنا الشاهد أن الآية فيها إثبات ونفي إثبات ونفي. الله سبحانه وتعالى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا إثبات أنه المستحق للعبادة الله celui qui mérite l'adoration c'est الحي le vivant c'est القيوم. Il a besoin de personne, tout le monde a besoin de lui. ثم نفي لا تأخذه سنة ولا نوم. Et هنا في شيء من التفصيل لماذا pour expliquer pour montrer أنه سبحانه وتعالى il n'est pas touché par ces deux faiblesses le fait de dormir le fait de somnoler. الله سبحانه وتعالى c'est الحي c'est القيوم il ne dort jamais سبحانه. Et كذلك تستفيد من هذا المراقبة. الله سبحانه وتعالى c'est الحي c'est القيوم il sait tout. Tout ça c'est cité dans ce verset ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله سبحانه وتعالى il sait tout il dort pas c'est الحي. Donc si c'est الحي c'est qu'il entend il voit. هذا ça doit pousser العباد ça doit pousser les êtres humains à craindre Allah عز وجل. لماذا لأنك تمراقب. يتقدم معنا من أسماء الله عز وجل الرقيب. C'est comme si tu étais surveillé. Tous tes actes ils sont enregistrés. Allah subhanahu wa ta'ala, avant de t'avoir créé, il savait. Il a tout su, il connaît tout. Et quand tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait, il te voit, il t'entend. Et كذلك وكل ملك من الملائكة, Allah subhanahu wa ta'ala, il a chargé des anges de tout inscrire. Et يوم القيامة, tu seras interrogé. C'est une surveillance عظيمة. Et هذا nuit et jour, quoi que tu fasses. فلهذا الإنسان il doit faire attention. Celui qui vit avec cette عقيدة il ne sera pas semblable à celui qui vit عياذا بالله comme un animal. كأنه il n'est pas مراقب كأنه personne le voit il fait des choses عياذا بالله très très graves. كأنه il n'aura pas de compte à rendre كأنه personne le voit كأنه il ne mourra pas. أما المؤمن vu qu'il sait qu'il mourra vu qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le voit Il l'entend, les anges, ils inscrivent tout. Kadhalik, vu qui c'est qui rendra des comptes, ces trois points, ça change sa vie. Vous avez remarqué que ces trois points, c'est min al-iman bil-ghayb. La mort, la tombe, on n'a jamais vu, ça fait partie de l'invisible pour nous. Les anges, etc., ça fait partie de l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'a jamais vu, ça fait partie de l'invisible. Et kadhalik, yawm al-qiyama, ça fait partie de l'invisible, ce n'est pas encore arrivé. Bah, celui qui a had al-iman, et al-haqiqa, c'est ça l'aqida, tu apprendras ces choses. Tu apprendras certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et certains attributs. Parmi ces noms, ils attribuent Allah subhanahu wa ta'ala ce raqib, annahu il voit et t'entend. Tu apprendras kadhalik, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des anges. Et parmi ces anges, certains, ils sont chargés d'inscrire les œuvres de l'être humain. Et kadhalik, tu apprendras tout ce qui est lié au jour du jugement. Et ça sera ça l'aqida. L'aqida, on ne l'apprend pas kadhalik. Pour lire des livres, on connaît les preuves. C'est quoi le dalil de tel attribut, on le dit. C'est quoi le dalil du châtiment de la tombe, on le connaît. Et ça s'arrête là. Là, l'aqida, ça doit rentrer dans notre cœur et ça doit changer notre vie. Et là, si on a cette croyance, c'est plus pareil. Et on a déjà donné l'exemple. On a un être humain fit dunya, s'il est suivi, maintenant par la justice, et il doit rendre des comptes une fois par semaine, une fois par mois. Il a des rendez-vous avec le juge. Et s'il fait telle chose, il peut se faire emprisonner. Il ne vivra pas comme un autre qui n'a pas ses restrictions. Abadan. Abadan. C'est pour ça que l'être humain, quand il est en public, quand il est avec certaines personnes, il ne fait pas certaines choses. Comme quand il est tout seul. Amma nahnu. Enfin, on a cette aqida, qu'on soit seul ou en public, que ce soit la journée, la nuit, qu'on soit dans une chambre, dans l'obscurité ou autre. Qala azza wa jal, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Aïe bi'ilmé. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux. Lakin, wa huwa ma'akum, aïe bi'ilmé. Où que tu sois, il est avec toi. Aïe, il te voit, il t'entend. Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihada, et le prochain dors, incha'Allah ta'ala, on continue. Man indahu shay. Adon al-kalam, il est wadih. Al-aqida, c'est des doros très très simples. En général, on n'a pas de questions. C'est tout à fait normal. Et l'insan la yatakallaf. C'est un point très très important. L'aqida ne t'impose pas des questions. Le kalam, il est wadih, il est wadih. Pas besoin de chercher. Je dois chercher pour poser une question. Ou j'essaye de trouver une problématique. Ou une contradiction. Ça, c'est très très grave. Le kalam, il est wadih, on le laisse clair. L'essentiel, ce qu'on retient de ce dors, on peut le résumer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset. Ayat al-Kursi, c'est Azam Ayah, c'est le verset le plus important dans le Coran. Et ce verset, il englobe des sens très très profitables pour le mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Annahu sal hayy, annahu sal qayyum, annahu sal ali, annahu sal azim. Annahu subhanahu wa ta'ala, il nous voit. Annahu azza wa jal, il a créé al-Kursi. Et c'est un makhlouq azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est Azam et il est Akbar. Tout ça, ça nous pousse, fil haqiqa, à aimer Allah encore plus, azza wa jal, et à le craindre. C'est ça le but de l'aqida. Amma al-ba'd, ayyadan billah, btulu. Ils ont été éprouvés par al-afkar, certaines pensées, où ils sont toujours dans. Ils veulent être en opposition, trouver une contradiction, une problématique, ils ne sont jamais d'accord. Ça, c'est min tarbiyati a'da'illah. Et celui qui a had al-fikr fil aqida, c'est très très grave. Il se posera des questions, mais le coursi, mais pourquoi, mais. Et yadhi, ayyadan billah. C'est un peu d'égarement khatir. C'est pour ça que vous avez remarqué que salaf, la plupart des questions de sahaba radiyallahu anhum, tu ne les trouveras jamais fi had al-bab. Is'alunaka 'ani al-mahid, des questions sur le hayd, des questions sur le divorce, des questions sur telle chose, sur l'héritage, tu trouveras min as-sahaba, des choses où il y a besoin d'une explication vraiment pour. Amma had al-bab il est wadih. C'est pour ça que sahaba radiyallahu anhum, ils n'ont jamais demandé sur le kayfiyya. Ils ne sont jamais demandé sur le comment, mais pourquoi fibab as-sifat, fibab al-mu'taqad, abadan. Et même s'il y a eu une question, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, c'était clair et alhamdulillah. Comme par exemple, ma yata'alaq bil qadr. Quand ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, falima al-amal, pourquoi on œuvre si tout est écrit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, y'amalu, fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Ils n'ont plus jamais posé cette question. Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'ils sont morts et Allah il les a agréés. Même si ça arrive une question, tu étudies ta aqida, thumma tu avances. Elle m'a recherché une problématique. Mais pourquoi? Et iyadan billah, s'entêter vihada, ça pousse à délaisser l'amal, à ne pas mettre en application cette aqida, et tu n'auras pas de réponse. L'insan, il se fait que du mal. Poser des questions, chercher des questions qui n'ont pas de réponse, c'est minad dhaya. L'insan, il perd son temps, et l'obama, il perd son din. Iyadan billah. Donc, hada al-bab, c'est bab al-istislam ou l'inqiyad. On se soumet. Là, vous avez remarqué que pour se soumettre et pour comprendre, il faut avoir des qawa'id, pour écarter les doutes. C'est pour ça que les règles dans les noms d'Allah, dans les attributs, fi bab al-qadr, fi bab al-mu'taqad, c'est très très important. Et ce genre de livre, al-wasitiyya, ce genre de matn, c'est tayyib pour hada. C'est des usul. Al-khutura, c'est celui qui rentre fi hada al-bab et il n'a pas d'usul. Il n'a pas étudié qa'id mutla, il n'a pas étudié al-wasitiyya, il n'a pas étudié les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas étudié al-tahawiyya, il n'a pas étudié tous ces livres. Thumma il rentre fi bab matalan al-qadr, le destin, et il écoute les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils disent, il écoute al-mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont dit, al-ash'ira, qu'est-ce qu'ils ont dit, fulan, il va sur internet et il lit des bouts d'articles, il lit une fatwa huna, il lit thumma avec les la tarbiya qu'il a eu, l'éducation, il se pose beaucoup de problèmes. Hada rubbama yahlak 'iyadan billah, hada il peut aller à sa perte. Mais celui qui a des usul, il connaît madhhab al-sunna, qui est fondé sur le Coran et sur Sunna, il ne dépasse pas les limites. Et quand Shaitan il le waswas de quelque chose, il dit Amantu billah. Comme Arshadan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour repousser al-waswas, la yukallif nafsa. S'il n'a pas compris une chose, il s'arrête. Je n'ai pas compris al-amr sal, Allah il m'a ordonné de l'adorer, je l'adore. Si je n'ai pas compris une chose, ce n'est pas grave. Et c'est pas grave, et si tu n'as pas la capacité, bah, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'impose pas au-dessus de ta capacité. Et tu restes à la hada. والله المستعان